Exercice 2. Jeudi noir. France Info vous rappelle qu'une grève générale des transports aura lieu demain dans toute la France. Pour les métros et les bus, de grosses perturbations sont à prévoir partout, moins de 20% du service assuré. Pour les trains, trafic légèrement perturbé. 2 trains sur 3 devraient circuler. Du côté du trafic aérien, nous n'avons pas encore les informations. Si vous devez prendre l'avion, téléphonez à votre compagnie aérienne. Et les taxis aussi, c'est la catastrophe. À peine 1 taxi sur 3. Inutile de téléphoner aux centrales, les standards ne répondent plus.